Sauter, sauter, sauter. Voler, voler, voler. ka rive la sonne a son rele pa pale ka ouve barye pou nou te repon nou Lute pou yo te zot nan chen sa Si jodi a ni mwen ni ou Nou pa enchenen Bon ni zanset pou yo, merci Merci